lure de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Hind à Brezonek, Kentel Pemkan. Trisek, Iri, c'est ça? 513, ça va bien? Matri. On commence par Gerhu Arvué? Oui. Alors aujourd'hui, j'ai pensé traiter le mot clay. Alors, clay, ça s'écrit avec un Z à la fin, mais c'est un Z qu'on ne prononce pas. En tout cas, en Chris Brace. À Pumrit, quoi. À Pumrit, oui, c'est un Z qu'on ne prononce pas. Clay, donc, qui est un adjectif ou un nom commun, qui est très employé et qui signifie gauche. Gauche dans tous les sens du terme, d'ailleurs, comme on va le voir. Alors, c'est un mot d'origine celtique qu'on trouve en gallois, en cornique aussi. La gauche et la droite, c'est difficile à définir. Dans beaucoup de dictionnaires, on a gauche contraire de la droite et droite contraire de la gauche. Oh, ouais. C'est marrant, ça. Oui, c'est pas très facile à définir. Oh, ouais. Alors, on le définit souvent comme le côté du cœur. La gauche comme le côté du cœur chez l'homme. Et la droite, le côté du portefeuille. Non, mais c'est assez... Quoi qu'il y a des gens qui ont le cœur à droite. Hein. Enfin, la plupart des gens ont le cœur à gauche quand même. Donc, voilà. Alors, comme je le disais, c'est souvent défini comme le contraire de la droite. En ancien français, c'était sénestre. Sénestre, du latin sinister, qui veut dire gauche aussi, et donc qui a donné sinistre aussi. Alors il y a toujours une idée du mauvais côté, quoi. D'ailleurs, en breton, chez nous, parce qu'il y a, pour dire à droite, il y a un tu dého, hein. Mais chez nous, on dit, à Pumrit et dans tout le coin ici, on dit un tu mat. Un tu mat, le bon côté. Et pour la main, c'est pareil. Hein, voilà. Donc sénestre, hein, qui a. Donc justement, j'ai parlé de ça parce que on trouve dans beaucoup de dans des mots cette racine là, qui existe aussi en italien, sinistra, hein, pour désigner la gauche aussi, quoi. Et en héraldique aussi, sénestre, c'est le côté gauche sur un écu, par exemple, sur un blason, quoi. Voilà. Donc alors, le français est donc sinistre, je l'ai dit, à la même origine. Alors, il y a des mots savants comme sénestrogyre, par exemple, hein, qui tourne à gauche. Hein. On dit lévogyre aussi, ou qui fait tourner la lumière à gauche. Et dextrogyre, le contraire. Donc, sénestrogyre, qui fait tourner à gauche. Donc, la sénestre, hein, la main gauche dans les textes de l'ancien français, et la dextre, c'est la main droite. Alors en breton, clay, hein, un tu clay, c'est le côté gauche, hein, dans tous les sens du terme. Par exemple en politique aussi, hein, un tu clay, la gauche. On disait aussi un tu rue, à tu gwen, quoi. Voilà. Alors beaucoup. C'était forcément très opposé. Oui, c'était antinomique, hein, la droite et la gauche. Hein. Alors il y a une expression, glay à gzeru, hein. Pour dire à droite et à gauche. Alors ça, c'est marrant, parce qu'en breton, c'est à gauche et à droite. Et c'est une expression qu'on emploie très souvent dans le breton d'aujourd'hui, clay à gezerou. Donc, un dorn clay, hein, un dorn clay, c'est la main gauche, et un dorn mat, la main droite. Hein. Voilà. Des expressions, très war un tu clay, on disait de tourner vers la gauche. On dit aussi train war and dorn clay, tourner sur le côté de la main gauche, quoi. Voilà. C'est peut-être un terme cavalier, non? On dit à main droite, à main gauche. Oui. Et en ce qui concerne les bateaux, c'est bâbord et tribord. C'est d'origine néerlandaise, hein. Ces termes-là, quoi. Bâbord et tribord, quoi. Voilà. Il y a aussi dans ce mot clay une idée de maladresse, hein, comme en français aussi, hein, gauche, hein, voilà. Par exemple, l'expression "aimez au clay de la bourrate". Il est gauche, il est maladroit pour travailler, quoi, voilà. Alors Le gaucher, la personne qui est gauchère, il y en a, j'ai appris récemment qu'il y en a 13% dans la population. Génétiquement, 13% de gauchers, quoi. Alors, autrefois, on obligeait les gauchers à écrire de la main droite. On les contrariait. On les contrariait. Beaucoup, ouais. Parce que ça doit être très dur. Ouais, ouais. Et alors, maintenant, j'ai vu qu'il y a on fait des fournitures pour gauchers. Pour les ciseaux, Les stylos à encre. Il y avait toujours la fameuse plaisanterie sur la tasse pour gaucher, quoi. Je connais pas. Non, mais on disait des tasses pour gaucher. Il suffit de changer de côté à l'anse. Mais ça marche souvent, là. Ça fait réfléchir les gens. Mais par contre, il y a par exemple des clarinettes pour gaucher. J'avais découvert ça une fois à la fête de la clarinette, là, il y avait un monsieur de Saint-Mailleux qui avait une clarinette pour gaucher, quoi, où toutes les touches sont inversées, quoi. Et puis il y a des clés surtout, non? Les clés, oui. Les clés sont inversées, quoi. Voilà. Il y a des l'arc pour gaucher aussi. Ouais. Voilà. Donc, voilà. Clay, alors très employé, hein. Un tu Clay et un tu Dero pour le côté droit. On fera un jour, on parlera un jour du côté droit aussi. On en reste là pour aujourd'hui et on passe à la seconde partie, Brézonec Tambe à Tambe. On passe à cette seconde partie, Brézonec Tambe à Tambe. Et Henri se penche sur les mots gaulois depuis quelques semaines avec nous. Oui. On continue, Henri, alors? On continue. Donc, oui, parce qu'il y a beaucoup de mots gaulois qui ressemblent aux mots bretons, hein. C'est pas étonnant puisque l'origine, est la même. Mais enfin, bon, on a fait beaucoup de progrès dans l'étude du gaulois depuis quelques années. Donc, c'est intéressant d'en tenir compte un petit peu dans l'étymologie. Alors, on était resté à Carus. Alors, une autre racine, Carvo, le cerf, hein, qui était un animal sacré chez les Gaulois, hein, plus ou moins apparenté au dieu Cernunnos. Et donc, en breton, c'est Carve, hein. Carve. Et Harve, quoi, le cerf. Et puis, Kirvi, les cerfs, oui. Alors, c'est employé pour le renne aussi, hein. On trouve ça dans les histoires de Noël, là, les rennes du Père Noël, hein. Kirvi. Voilà. Alors un terme gaulois qui est passé dans le français, c'est Cassano, avec deux S, hein, enfin deux S, parce que le S souvent se prononçait probablement toujours S. Alors qui a donné le français chêne, hein, donc. Et on trouve ça dans beaucoup de dialectes, en particulier en Languedoc, hein, en Languedoc. Donc, par exemple, la forme chassagne, dans le midi de la France et même un peu partout, quoi. Alors, le latin, c'était quercus, qui n'a pas de laissé de descendance en Gaule. Parce que certainement que le mot d'origine était très implanté, donc il est resté. Alors, cassica. Cassica, c'est assez amusant, ça veut dire la jument, et c'est tout à fait proche du breton kazg. Hein. C'est vrai. Alors kazg, hein, voilà. Alors kathos, c'est le chat, hein, qui a donné le français chat d'ailleurs. Alors il y avait un mot d'origine latine, hein, félès, qui a donné les félins, hein, mais le mot au bas latin, le mot latin d'origine a été remplacé par kathos aussi. Voilà, qui est donc on retrouve dans la plupart des langues européennes maintenant. Hein. Il gatto, par exemple, en italien. Voilà, le chat en français. Alors le chat, puisque le cédure, hein, est devenu che, hein, comme ça se passe en général, et il est resté en cédure en breton, donc cas, hein. A house. Et dans le gallois, c'est pareil. Voilà, kathos. Catu, qui désigne le combat, la bataille. Hein, par exemple, Catumagos, c'est le champ de bataille. C'est le nom de la ville de Caen en gaulois. Et on retrouve cette racine-là en breton. Par exemple, Zancado, le patron des lutteurs, ou ah oui, Saint-Cado, ouais. Ou Saint-Cadou. Hein. Voilà. D'ailleurs, il y a le tournoi des lutteurs à Saint-Cadou. Hein. Voilà. À Guénard. À Guénard, oui. Voilà. Cavano. Cavano, qui veut dire la chouette, et qui est à rapprocher du breton Kawan, hein, ou Kawen. Hein. Ici, on disait Orgouan. Orgouan, oui. Voilà, c'est presque, on entend presque l'animal qui chante la nuit, là. Hein. Et c'est le symbole de la ville de Kawan. Hein. Voilà. Alors, Kervesia. Ou Cervesia, qui veut dire la bière, oui. Oui. Là, c'est la cervoise. Alors, ceux qui ont lu Astérix, il n'y a pas de problème. Et c'est Coref en vieux breton, ah, oui, qui a été repris par. Voilà. La brasserie de Morlaix à l'origine. À la brasserie, oui. Voilà. Qui est à Carré maintenant. Alors, Kétou, c'est où c'est tout, hein. CETU, qu'on trouve dans de nombreux noms de lieux en France, hein, des noms de lieux en Céton, par exemple, hein, et c'est à rapprocher du breton quat, hein, quat, le bois, oui, ou quet, hein, ça dépend des endroits, hein, dans le pays Vantès, c'est quet. Hein. Quintuxos, qui veut dire le premier, on trouve ça dans des inscriptions, hein, en particulier des noms de personnes. Donc, qui est à rapprocher du breton Tientan. Hein. Ah oui. Tientan, voilà. Cléta, qui veut dire une barrière, en fait, une barrière ou une échelle, enfin, tous ces objets à barreaux qui étaient rapprochés qui a donné le français clé et qui est à rapprocher du breton clouette. Oui. Clouette. Ici, on dit clète. Hein. Clète. Glit, oui. Alors, glit. Voilà. Et puis, pour terminer, Cloca, qui a donné le français cloche, hein, et le breton chlore. Hein. Alors, le breton chlore, qui, avec l'article, donne chlore. Il y a deux escravaches, un au début et à la fin. C'est un très bon mot pour apprendre la prononciation du breton. Chlore. Bon. Heurlore, alors on reste sur l'or et on passe à la troisième partie. Petra Zone et Vervon. Petra Kerry, Petra Zonevervon. Ben, Calzedro et Veljus Buervej Diouzan. Échu et Brément, Roar Yuerbit, Barrio, Roar Yu Olympique, Ba Brasil, Agaz Zobigwell, Calzedud, au Halupa, au Sayad, au Telemin Pouis, au Nayal, au Gourener Yenus Bipsort. Bon, ne l'arrive que Calzedro, d'Ar Yuerbet, Roar Yu Olympique, elle peut dire, donc, Gualan, Pard, Warzé. Hag nonc gwall didennet gansi, pe la rin mod. Bon, setu krogom de diantan evel kiz a kustum nahen gant la bour douar hag ur vue war ar mez. Kei e chu e vreman mis est, hein, vreman baitost ur mis gwen golo, zer a debe de nest, mod pe vod, ba brovran ze be debe de bal put de nest ur blaman, hag breiz am benefi ne ke bereval pe dur zo kol Kolet zo bet tre dig a pemzeg dre gant deus pez oa war lanne. Bon, lerel brovranz zo bet kolet spen tre gant dre gant, gant se zo oa pel gwasor. Hag bon, blam zo war an de voke ka vet kal ze gwiniz war an ahat. Waler un est, te am zo re homiso. En deel oa komiz bazan igouden. Hag ze oa vid kanton koz kalak, pe dur bremañ neus ket kanton kalak betin, met vid kanton kalak. Hag prest it vo ba zan Nikolaz, e vid kanton zan Nikolaz, pe kanton koz zan Nikolaz. Hag war ma meustachen bon zo gwell yo el, evel vo voar biozone, prest it ba mur, spen tregon lasso, bromen obla a tregon so, Vegret ur voar biozone ba mur, hag az ve gweld kalz e draou war ur labourdou ar bio, war doa reo de vevan tostor de ze natur. Hag bepla ve kalz e dut. Hag ou deze vo ba roazan ur salon spas, zo sort komis bras. Ya ve kalz e dut, a kalz e londet. A masen vo kalz e draou, met masen zo tam o reus de vout, gweld vo. War lan e oa berreuz deja, avec blan mesurar, half e boud oaz. Pad un nan ve chouloar en trao, pe dur un dut ve occupet gant de labour ba parkeia, med o vej deud un distro skol, amzer un distro skol, ma ve je de voud pe stourmo, rad krog un trao. Da skoer war dach en lez, labourer yon douar, produer yon lez, o dipit et bras, Gant prise lez, o chom a pelreiz levit peo en hargou, hag bon, gwell peus oa bet stourm un dro de stal lactalis ba laval, neus ket gwell belzo, hag bon, zioar vo kalz draou dis de ba lamz or de zon, ba n deo de zon. Me bremañ na hen, pe dur meus lar ad oa echu e mizest, prestig vo en distro skol. A jiwaz ne ke blam heikaz warog ur brezon ne gba skolioù. Zur war vo un tam muor vugal e otiski brezon ne. Me chomer a pel yann de zigaz a gwar an dachen ze. A setu vo red berder en stourm evit ur yez. Pa de nan deus meus kleve deus obe neuptor d'ouristet bavro. Bavro a gouskoude blichkaz d'un dut bont de vel de Ur vro amme, kalz draouz o de velet, hag ur bro choule, ur vro choule, a kalz draouz o de ve diskouez d'un dud, hag ve kinig d'un dud, vid dizoloin, tenzor yo vro. Lar meus oa deud de namz ur un distro, evid ur vugal e hag ur vistriskol, med erru e oaz un distro evid ur politikourien. A blam vo trouz a reuz, pu dur gant de politikour, yon evel just, peut dur o red gotaz ar votad, gevit diba benini e yei war kad ar veur rou e brohal, hag ur marechal koz de spur udam vange kont le gelar e oaze kad ar dagober. Kad ar dagober, oa be... Ya, rou e ya. Oa be gret egin houan gant zanda la. Hag boe va ve red kat on din beneket vi mont war tro dagober. Gwejel oa estor, pe dur oa mab rou ete dor roui, Mais bon, me avait dit pas, ben, drevot à dégoût, mais, me strave, calze bière, ouais, quand c'est. Calze bière à cholor, il vaut, hein, pas de blague, quand c'est. Des vaisseaux, ou abé, lac de, zandveltaz, carnoët, hein, pélarine mode, au neu, but zen, névé, hein, bon, vel, zandbrieug, zandigouden, zandpereg, à réel, ouais. Hag kalz du de zo bed blanc ba traunion ar zen ba karnoet. A bremañ man krok d'or o nermitach ba mod broi werzon, un mi indien tan zo bed lak den del, hag don oreil gret vo daoula o red vid zevel un nermitach des meus klevet, a zezon dra neve ba karnoet. Hag bon. Neveso, oa ban danou de boulevria gwellen dans plin. Hag kalz dra ouzo bet, hag vi gwellen dans plin. De mer ar de nonz oa nonz as kantiko, ba chapel, hein. Hag arve kant de kantiko evro, on a baden zo plis justre, hag zo kas doa rog an en dovulup, Gilbert à Jeff, donc vu le même manin que brother hein blamant on ne bama de dud hein au don au ton de gand en cantique au vro ca jiwas when ki clave de casba banili jo vro tin azira pija dur d'un dud à de rio où on a bad d'un bailis wolvria grand mart de vassalo zo grandir en arve mart bavro à gazé à zo wak tost de gand dud de tchilo mart vassalo à dramen on tombam zor Choul, bah, il est zandbriac. De zador, nan, oua, dévestage, et vide gandérien, zondérien, agen dansérien, blanc, me oua, neup, t'aurédut, bah, stage, ou, vide blayowel, mais me mestra, oua, bé, plus jadion. A de zul, nan, oua, au fesdé, gand, de naberdé, gand, réni, oua, wan de zone, hein, gand, tu de, yulvat, Ag a zo bet zo bet o nebama de dud me meustra o tansal a plijad ur zo bet. A de lun a hen oa de hanter, hanter est, a de beur e oa avern ur pardon ka red e lard de dient an tout de gwellen dan out zo ur pardon, hein, pardon i trant var ya an dan out. Hag un avern oa lidet gant an autre o Marcel Derrien, belg Marcel Derrien, hag eus ikour e doa gant Jeff Philippe, hag ar oa leun chou gant Yelis, hag an dud gant e gant Carlon. De greist e oa ur pret kan da zone, da oa zonerien a kan erien, hag zo bet plija dur an tibi ur pret kan dis. Ha de nabden an oa konkour yo vide dans erien, evel kuiz a custum, ha de nonz oa... quand on a vel bopet. Hag, bon, bedon hir un tam war de gwellen danoun, med ka l'ar eut ve matrez en vo ke gretin, hag ze ve fe bedon dros pont, tu zid ur vro, putur ur gwell dispar e virionne. Ba fin mis am eus obe de gwellen dans fissel, hag zo be kalz e dud, hein, kalz e dud o pi e vid un ar vest o pe vid fez de, vid fez nons, hag bon kalz e dud zo bet. O ne ba de o rog en ur gwell fissel o et un an an un yasan gegan o zon ur brudet po de glarinetten, yasan oa de zo fan mi zon erien, hein, plus dur, il y a Bruder à Roy et Vel Félix à Job, à Roy et Yves à Gand en Drugen Gaul, à Gand en Doua ba Plon et Dauzeg à Perrugen Lasso. À Bon Yassin, doua, on avait marre grand tout de son air, yen Drugen Gaul, à Gand Kals Adut, plus dur, obligé dans six cours Rayowang, de zone, de dix qui ton Yowang. Hag bon kalz e dud der o jonj mat eus Yassan Gegan. Bon, un distro sko leve der be pla, un distro evit tout d'or gevridigejou zo bavro, labour ad vi reit bu e d'or vro, Wardash en ers Porchou, en Arzou, en Sevenadur, yez a beup sort. Hein. Evid omni, von tam ma meus mod, hein, bon, hen d'an brezon ne bad pas de nan, avec vacances, mais ma meus trai, on tam un distro, evid om, hein. A vo, vo der ad roi, ma meus mod, gant gerio ur vu, e brezon le tam a tam, hag petraz o neve ar vro, hag vo der ad ar berze, pa de blanc. C'est tu es chez Rand Ganzé à la Randar Tienorvegel qui est la Vaudar Morgan. Kenoiri.